Le 7 juin, le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a publié une déclaration qui critique la bande d'abbé du Japon qui met en cause scélératement nos mesures de renforcement de la puissance autodéfensive et se conduit le plus méchamment suivant les monnaies des États-Unis pour la sanction et la pression contre notre République. Il a dit notamment... Au sommet des sept pays, Abe a dit au secrétaire général de l'ONU que c'est le moment d'intensifier la pression sur le Nord, que le rôle de la Chine est crucial et qu'il faut intensifier plus la sanction et la pression. Surtout avec Trump, il a fait inclure dans la prétendue déclaration conjointe les propos suivants. Nous condamnons avec le terme le plus puissant l'essai nucléaire et le lancement de missiles du Nord, et la sanction contre le Nord doit être intensifiée au cas du refus de l'abandon nucléaire. À la conférence de presse tenue après la clôture du sommet, il a péroré que la menace du Nord risque d'être répandue comme une maladie contagieuse. Suga, secrétaire général du cabinet, imite Abe. Il a mis en cause la navigation du paquebot de tourisme international Man Yongbong sous prétexte du problème des armes nucléaires et des missiles du Nord, et crie ces jours-ci à la sanction séparée supplémentaire contre nous. Le ministre de la Défense Inada aussi a prétendu à la conférence sur la sécurité en Asie tenue à Singapour que la menace du Nord sur la sécurité au Nord-Est asiatique et dans le monde entier est sur une nouvelle étape. Dans un conciliabule avec ses homologues américains et australiens, il a publié la déclaration commune qui condamne avec l'expression la plus forte le développement des armes nucléaires et des missiles du Nord et qui exige une action concrète pour la dénucléarisation. Sous prétexte de faire face à la menace de nos armes nucléaires et missiles, les réactionnaires japonais ont lancé le satellite de reconnaissance, acheté des missiles d'interception de type nouveau, livré les exercices avec l'aviation américaine et le corps de frappe de porte-avions nucléaires américains, et jusqu'aux exercices d'évacuation des habitants par région. Lors de l'adoption le 3 dernier d'une nouvelle résolution sur la sanction au Conseil de sécurité de l'ONU, ils se sont montrés les plus scélérats. À chaque lancement de nos fusées balistiques, le Japon se plaigne du trouble de la sécurité afin d'accélérer la montée en puissance militaire sous prétexte de la menace des armes nucléaires du Nord et réaliser à tout prix la résurrection militariste et l'ambition de réagression en Asie. Le Japon doit savoir que s'il se conduit ainsi méchamment tout près de notre point, l'archipel pourrait être mis à feu avant les États-Unis au cas échéant. Il doit renoncer aux aventures devant nos forces armées nucléaires invincibles pour le sort de l'archipel.